Énorme. Allez. Je sais bien, je reste là, je me fais petit, je ne souris pas, mais j'ai envie d'être avec toi. Tu m'as dit c'est pour qu'un temps, tu m'as dit d'être patient, et depuis ce jour je t'attends, tu reviendras sûrement. J'ai bien vu que ce sera plus jamais la même chose. Tu sais, tu me manques, je ne m'y attendais pas. Remis en cause, j'aurais vraiment voulu qu'on puisse continuer. S'il te plaît, regarde-moi, j'ai tant de regrets. Je ne veux pas vivre sans toi. Si l'on pouvait recommencer. À chaque pas que je fais, je ne fais que tout empirer. Je te vois partir lentement et je me sens impuissant. Ici tout est compliqué, mes sentiments ne font que changer. Je t'aime et je te hais, je saigne et je me tais. J'ai bien vu que ce sera plus jamais la même chose. Tu sais, tu ne que cette peau. Je ne m'y attendais pas. Tout est remis en cause. J'aurais vraiment voulu qu'on puisse continuer. S'il te plaît, reviens. J'ai tant de regrets. Je ne veux pas vivre sans toi. Si l'on pouvait recommencer. Si l'on pouvait recommencer. Si l'on pouvait recommencer.